L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. But there's really nothing left here to stop me. It's just a thought. After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Allez, Arc-en-Ciel, heureux de vous retrouver. C'est Francky dans la radio. Vous êtes déjà nombreux à vous connecter là sur mon Facebook en live. Salut Nadia, salut Franck, salut Kevin, salut Monsieur Lorenzo, c'est qui vient de m'appeler. Le téléphone fonctionne super bien, vous pouvez m'appeler. 02 38 43 48 0 0. De la pluie dehors, vous êtes peut-être dans les bouchons, vous rentrez du job là, bah voilà, le soleil est là, c'est Francky dans la radio jusqu'à 19h, ça c'est sûr. Tout à l'heure on aura un invité d'honneur, c'est Eric Della qui sera là, c'est le coach de la Muay Thai Saint-Privé Saint-Mulin. Il va nous parler du gros gala qui arrive au mois de novembre, ça sera le 23, énormissime, on aura certainement des places à vous faire gagner. Ça va être du très lourd et du Brésil pour bien démarrer cette émission. C'est Francky, l'After Job et c'est Mafiosa Caliente. Hey, hey, t'as tudo bem, tu também t'as tudo bem. Vamos ver si tu t'as bien. Bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. Y'en a qui sortent en équipe, avenue Montaigne, François 1er. J'suis avec ma go en fouraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle c'est le marathon, avec elle pas de baratin. Bang bang bang, si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Et voilà que je parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense qu'elle a su très censurer. Eu tô bem. Envoie le cachet à tous mes potes qui rentraient. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. C'est elle qui nettoie mes armes. Et c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. Hey. El Mafiosa, l'artiste Mafiosa Carolina, ça c'est les bons souvenirs, on a fait la fête là-dessus tout l'été. Julie qui est là, Jean-Pierre, Nadia aussi, salut la famille, belle fin d'après-midi à vous, sous la flotte malheureusement. Vous sortez du job, on est là pour vous donner le smile, oui, le sourire avec Francky. La météo pour demain. La météo. Demain mercredi, le 13 novembre, ça va vous porter bonheur, j'en suis sûr. Du soleil qui revient avec beaucoup de nuages malheureusement, ça caille en ce début de matinée. 3 petits degrés au lever du jour, ouais, couvrez-vous demain et on dépassera pas les 9 degrés. Mais normalement, si je regarde bien le site de Météo France, pas de pluie prévue au programme. Ça, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, du soleil caliente, ça c'est sûr, il y a arc-en-ciel en fin de soirée avec du son caliente. Si, El Daddy Yankee, Pitbull, Lee Jones et les Gasolina. Gasolina, il y a tout le monde là, Daddy Yankee, Pitbull, Lee John, salut Angie qui est connecté, salut Adeline, salut Seb aussi, vous êtes nombreux l'après-midi comme ça jusqu'à 19h, c'est Francky dans la radio. Moi et Ty, tout à l'heure il sera notre invité aux alentours de 18h, c'est Rick Della qui est dans les studios de la radio, le coach de sa privée, et ouais, ça va être du très très lourd. Et puis en attendant, j'ai du vrai son là, du pur, de la nouveauté, voici Baila Conmigo, c'est déjà sur l'arc-en-ciel. Imagínate. Y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Baila conmigo. J'ai envie de faire la fête avec vous aujourd'hui avec du son caliente. Salut Sébastien. Salut Maggie qui est connectée aussi. Salut Virginie. Salut Teddy. Ouais, vous êtes nombreux. J'ai des bons plans à vous filer, notamment on va parler de marché de Noël direction la ville de Orme. Ça va se passer le 16 et le 17. Je vous en parle sur Radio Arc-en-Ciel. L'After Job avec Frankie le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ça y est, ça va péter là, les marchés de Noël, il y en aura un paquet un petit peu partout hein, toutes les villes vont faire leur petit marché et un de pas louper, c'est le marché de Noël de la ville de Orme du 16 au 17 le samedi 16, ce sera de 14h à 19h, le dimanche 17 de 10h à 18h. Exposants, artisanat, gastronomie, le Père Noël sera bien évidemment là et ça se passe à Orme, cette belle ville. Le marché de Noël à ne pas rater. Si vous avez des bons plans marché de Noël, eh bien vous m'appelez 02 38 43 48 00. Moins des bons plans pour danser en sortant du boulot. Si vous faites la tête, eh bien on est là avec Badoxa et Controla. C'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Belle fin d'après-midi et puis courez vite hein, à la maison, vous réchauffez auprès de la cheminée. Ouais, ça sent du son caliente. Voilà, c'est la quise et Controla. C'est sûr, et plus on a vu, hein. Le temps demain devrait s'améliorer, pas de pluie, ça c'est sûr. Au programme. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Il y a un truc énorme hein, qui est arrivé du côté de Toulouse. Il y a une jeune fille de 19 ans qui était en boîte dimanche soir, c'était veille de fête. Et bien elle a couché dans la discothèque, il était 5h15 du matin. C'est énormissime quand même, hein. Ça s'est passé à Toulouse. Les pompiers sont arrivés à 5h30 du mat. Et le petit garçon a vu le jour dans la boîte de nuit, carrément le nightclub à Toulouse. Et selon la dépêche du midi, ce sont les employés de la discothèque qui ont assisté la jeune femme de 19 ans à l'accouchement, aidée au téléphone par un employé du SAMU. Énormissime quand même, le petit sera DJ, je pense. Marquito qui arrive pour les bons souvenirs. Et c'est au Lusitano. Bonne fin d'après-midi, vous êtes bien sur Radar en Ciel. Já são 7 horas, estou atrasado. Pra ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho, a demora. Nunca atacado, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que eu nasci ver. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou. Partilhar só pode ser. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar. Eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia. Deixa andar a magia. Sem trabalho a demora, nunca é sacada. Chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou. Lusitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. J'adore ce mec, il s'appelle Marquito Lusitano. On a été la première radio où le jouer hein, sur Orléans. Au Portugal, 17h24, c'est Francky dans la radio. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Alors l'autre fois c'était le Portugal, l'invité d'honneur. On va parler Muay Thai Box tout à l'heure avec notre invité qui sera là, c'est Eric Della. La 15e nuit du Muay Thai, c'est le 23 novembre à 19h30 à Saint-Privé-Saint-Mémin. 4 combats pro, 5 combats amateurs sans protection, attention hein. Et l'invité d'honneur cette année c'est l'Italia, Italiano, ouais. Donc tout à l'heure il va nous raconter un petit peu tout ça. ça. Et puis vous aurez sûrement la chance de gagner des places en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Belle fin d'après-midi, 17h26 minutes bientôt, avec du son caliente et les tournées. C'est DJ Assad et Willy William. L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM.

demandé quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Chérie, la vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Je vous aime. Ah oui, on vous aime. 17h37 sur l'arc-en-ciel. On a du gros son pour vous. En exclusivité, le nouveau Dadju avec Ma Vie. C'est déjà sur l'arc-en-ciel. Passez une bonne fin d'après-midi. Et voici un peu de son love. Dadju. Détruis ma vie. Détruis ma vie. Ma vie. Est-ce que t'y penses? Qu'est-ce que ça te fait? Jusqu'au dernier morceau du cœur que t'as détruit. Triste vie, je me suis fait des filles. J'ai tapé dans le mille, mais j'ai préféré me dire que c'était qu'un film. Je peux plus dormir quand je t'imagine. Mais j'ai qu'une envie, c'est d'éclater vos têtes sur la vie. T'as détruit ma vie. Ma vie. T'as détruit ma vie. Ma vie. T'as détruit ma vie. Ma vie. Ma vie. Quelqu'un malhonnête, dis-moi que c'est le fruit d'une erreur que tu regrettes. Que tu voulais me faire subir un supplice, une injustice, pour que je te dise à quel point je t'aime. Est-ce qu'il fait ça mieux que moi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Je veux même pas le savoir. J'essaie d'être le plus calme et serein possible. Une envie, c'est d'éclater vos têtes sur la vie. T'as détruit ma vie. Ma vie. Détruit ma vie. Ma vie. T'as détruit ma vie. Ma vie. Ma vie. Ma vie. J'adore, moi, c'est le nouveau Dadju, ça sonne assez années 60, hein, le son derrière. T'as détruit ma vie, le titre Ma vie, extrait de son nouvel album Poison, qui est disponible dans les bacs, hein, sur les téléchargements légaux, bien sûr, et on adore sur la pensielle. Ma vie, la météo pour demain, une autre vie, un autre monde, hein, on fait un point tout de suite. Hein. La météo. Demain, le 13 novembre, eh bien le soleil sera là normalement avec pas mal de nuages quand même. La pluie devrait s'arrêter demain. Les températures au lever du jour, 3 petits degrés. On ne dépassera pas les 9 degrés. Donc demain, bah couvrez-vous. Voilà. Ça c'est le mot d'ordre. Tout à l'heure, on parlera de Muay Thai. Ouais, je mélange tout Box Thai, Muay Thai. Muay Thai. Eric Della sera notre invité aux alentours de 18h sur Radar en ciel. Et puis du son pour vous réchauffer avec Daddy Yankee et Doula Doula. si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura. Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, ponme que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el tope, tope, tope. Miren el material, edición especial. Tienes el tope, tope, tope. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, ponme que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Me gusta cómo mueve este ram, bam, bam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan. Doula, Doula, 17h44 minutes. Welcome à vous. Si vous l'arrivez, vous sortez peut-être du boulot. Ouais, le temps est gris, pluvieux, mais on est là pour vous donner le smile et la bonne humeur avec Frankie. C'est l'after job, mardi aujourd'hui. J'adore, j'adore. L'after job avec Frankie, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Hey, je vous parlais de la fille, la jeune fille tout à l'heure qui a couché en boîte là. C'était la nuit de dimanche à lundi du côté de Toulouse. J'ai pas lu l'info à fond là, je viens de la lire. Et en fait, tout s'est bien passé. Le jeune garçon qui est né donc lundi dans la matinée va bénéficier, c'est ce que dit le patron de la discothèque, de l'entrée à vie. Donc dès qu'il aura 18 ans, il pourra aller toute sa vie en discothèque. Voilà un bon plan quand même. Il faut accoucher en boîte les filles, allez-y. Avec Steve Watt qui arrive. Et puis Roger Rodriguez, Mike Cassie, et c'est Tu Amore. Es la primera vez que yo te veo, que estás sola, no lo creo. Dime por qué me miras con esos ojos de amor. Quiero saber lo que tú piensas, que no me quieres, no me lo digas. Eres el amor de mi vida, mi querida, mi princesa. Tengo muchas cosas para darte, mil poemas, mil canciones. Si quieres ser mi reina, mami, entonces escúchame. G. Rodríguez, G. Watt Music, ¡vamos mi gente! Haces falta, solo quiero estar en tu corazón. Hoy, hoy, hoy, mi amor. Si tú con un monastro, que moi, dis-le, moi, je ne peux vivre sans tout. Elle a merde, puis t'es rentré dans ma vie. On s'aime, on se câline, on rigole comme des amis. Mais tu as tes humeurs, tu as fait tes affaires. Je t'ai laissé partir quand j'étais en colère. Mais imagine pas ma vie sans toi. Je te veux matin, midi, soir. Yeah. las mujeres del mundo. G. Rodríguez, sin tu amor. Hoy, hoy, hoy, mi amor. Sin ti el tiempo pasa, me haces falta. Si ya no puedo vivir sin tu amor. Hoy, hoy, hoy, mi amor. Stuart G. Rodriguez avec Macassi, Mi Amore, et ça on adore sur l'arc-en-ciel. Les bons plans pour la passerelle. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Eh ouais, les bons plans, puis bah, ça va se passer ce vendredi à la passerelle à partir de 20h30 à l'espace Jean Cocteau, une pièce de théâtre qui s'appelle Comédien. Alors une pièce très drôle, inattendue, on en ressort essoufflé, à ne pas rater. Si vous êtes du côté de Fleury-les-Aubrais, vous pouvez toujours réserver en ligne sur le site de la passerelle vos places pour aller voir la pièce de théâtre Comédien. Et c'est à partir de 20h30, 1h30 de spectacle de fou rire, salle Jean Cocteau. Et c'est à partir de 12 ans. Voilà, un bon plan, pourquoi pas, vendredi. Si vous avez envie de sortir un petit peu, tranquille avec les enfants, bah voilà, tranquillement. Voici Alexine Figo et Doula, Doula. Porque tú eres una freca. Estamos en fiesta, yo soy de la yeca. Dile a tu novio que no se meta. Metando con los tigueres a tu alta. Tengo todo y tengo la vaca. Si las manos, las mujeres guapas. Si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ. Sur la console El Qatar. On adore du soleil comme ça, ça fait du bien. Malgré la pluie qui est dehors, on est là jusqu'à 19h pour être avec vous. Salut à Edouard qui est connecté du côté d'Orléans. Et puis du son que j'adore sur la console, il s'appelle Danakil. Et il reprend Non, rien de rien. Je ne regrette rien. La version reggae, écoutez, énorme. It's all leaving. We have no fear cause we're right on here. I will be there. Tell them what you got to say down the kid. Tell them no. No way like I would say. No, je ne veux. regrette rien. Yeah, you gotta have no fret, yo. Ni le bien qu'on m'a fait. Have no regret. Ni le mal. Yeah, I tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, non, non, non, non, yeah. Non, je ne regrette rien. J'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours. Yeah. Avec leur trémolo. Each and every day, like I'm with you. Balayer pour toujours. Swinging right along the way. Je repars à zéro. I have no regrets, I love you, baby. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Ni le mal. Yeah, tout ça m'est bien égal. Non, wow. Rien de rien. Don't fret, y'all. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, each and every day, aujourd'hui, right along the ça commence say. Avec toi. Now hear this, that you can trust in me, and I'll be trusting you, and that's exactly how I know it's gonna be, baby. You I love the most, and of course I will tell you, but I have no regrets for loving you. Cause I see that you're interested in me, baby. And I always put my interest in you, yeah. Yeah, what I see is I never make you blue, never turn my back on you. Never, never do that in any way. I would tell you, say no regrets. I may say no, no regrets. And I say that, I say it over and over and over again. Yeah, baby, stick them all the better. I will tell you when I wanna see you again. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Danakil qui reprend à merveille l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Et ouais, des bons souvenirs, il ne faut pas regretter, surtout pas. 17h55, si vous venez d'arriver du côté de la radio, on est là en direct jusqu'à 19h. Après, ce sera Electric Shock avec Christophe dans les tuyaux de la radio. Et puis du son qui arrive en direct. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. 96.2 avec le meilleur des souvenirs, Funky Music, le son américain à l'époque. Ce groupe a été créé en 1975. Eh, ça date, ça date. Leur premier succès en 80, c'était les Stomp Brothers Johnson en exclu sur l'avant-ciel. All night, in the name of the Lord. 1980 forcément, ça vous rappelle quelques bons souvenirs ça. Autour de la boule à facettes avec les Brothers Johnson, un stamp sur l'arc-en-ciel. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah ouais, aussi le lundi, hein, à partir de 16h jusqu'à 18h, le mardi 17h, 19h, l'After Job après le boulot, des invités, puis du fou rire, de l'action, du soleil pour demain. Non, pas de soleil, demain, pas mal de nuages encore, quelques rayons d'eau le sol, mais très timide. Et on ne dépassera pas les 9 petits degrés. Des bons plans, le marché de Noël de Orme, qui aura lieu le samedi 16 novembre de 14h à 19h, et puis le dimanche 17 novembre de 10h à 18h, à ne pas rater, exposant, artisanat, gastronomie, voilà, histoire de passer de bonnes fêtes de fin d'année avec le Père Noël, bien sûr. Donc ça se passe à Orme. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, on m'appelait 02 38 43 48 00. La version French, j'ai cherché l'amour, et moi aussi, voici Perfect sur Radio Arc-en-Ciel. J'ai trouvé l'amour. Fais pour moi, ne regarde pas autour, essuie mes pas. J'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt on créerait un nous. Cet enfant qu'on est tombé à. Partager sa vie. J'ai trouvé l'amour pour supporter plus que mes secrets, pour cet instant où je porterai nos enfants. Nous sommes encore jeunes mais nous nous aimons, luttant contre le temps. Je sais que tout ira pour. Tiens-moi la main, suivant notre chemin. Je vois mon futur dans tes yeux. Bébé, je danse dans le noir, dans le creux de tes bras. Le cœur rempli d'espoir, tout en écoutant notre. Je crois en ce que je vois. J'ai rencontré l'amour, le vrai, le pur. C'est rare, hein, mais ça peut arriver. Ouais, ouais, ça peut arriver. Elle s'appelle Sarah H. Allez voir, hein, sur YouTube. Elle a fait plein de reprises. C'est magnifique. On l'adore. Perfect, la prise de Ed Sheeran's sur un arc-en-ciel. Oh, j'adore. Allez, encore un petit coup. Allez, tu es parfait. Ouais. Donne-le, dis-le, dis-le. Ouais. Voilà. Sarah H, regardez sur YouTube, énorme. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Muay Thai. Je parle comme ça aujourd'hui. On va parler Muay Thai tout à l'heure. Ce sera la 15e nuit, le 23 novembre. Et ouais, l'année dernière, c'était le Portugal qui était l'invité. Et bien là, l'Italie, cette année, sera à l'honneur. 4 combats pro, 5 combats amateurs. Ça va être du très, très lourd. 20 ans déjà. Ouais, ça passe. Samedi 23 novembre. Et bien, le coach sera dans les studios de la radio dans quelques minutes pour nous en parler. C'est Eric Della dans les studios, notre invité. Aux alentours de, allez, on va dire 18h15, 18h20. Ouais, ça va être du très, très lourd. Double Brésil qui arrive, et l'Espagne aussi. Et puis du son caliente pour Nadia qui nous écoute sur le Walkman. After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, je disais le Walkman parce que j'ai vu des Walkman qui refont leur apparition version 2020. Il faut voir les prix, hein. Je crois que c'est 400 balles le truc, hein. Un truc de ouf. Bon, en tout cas, ça nous rappelle des bons souvenirs. Ça. Voici Master Jack. Oh, bonne fin d'après-midi, bon début de soirée. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel. Laissez Francky dans la radio. Era só Janjão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby. Era só Janjão, quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só Janjão, tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só Janjão, quando tu dizias pra pedir a tua mão. E o que faço eu, se não tenho o teu carinho? E o que faço eu, se não tenho o teu beijinho? E o que faço eu, se não tenho aonde eu te encontrar? E o que faço eu, se não tenho aonde reclamar? Me diz porquê, pelo amor de Deus, sabes que eu amava teu de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do Janjão. Eu não mereço, eu não mereço. Oh, oh, oh. Juro, eu não mereço, baby. Não, eu não. Eu juro, não entendo, baby. Parece coisa de outro mundo, sweetie. Fogo, quebra esse feitiço, queima a minha boca. Porque eu amo, oh, amo demais essa mulher. Amor, me diz que eu posso fazer. E o que faço eu, se não tenho o teu carinho? E o que faço eu, se não tenho o teu beijinho? E o que faço eu, se não tenho aonde eu te encontrar? Eu, diz-me aonde reclamar. Me diz porquê, pelo amor de Deus, sabes que eu amava teu coração. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que a bala de canhão, de princesa pra rainha do Janjão. Chama e vou a Marte, questão resolvida. Método descarte B, sou deste Jajão. Like Zé Calanga, nem honesta não, muito menos franca. Que tamanho hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas pensaste nos bens. Mama matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de Bing Lê. Vou tirar o pé, já se pererê. Pelo amor de Deus, sabes que eu amava tanto coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do Jajão. Eu não mereço, eu não mereço. Oh, je me suis gouré, il est pas brésilien, il est angolais. Master Jack avec Jao, et ça vous a adoré. C'est Radio Arc-en-Ciel, Nadia qui nous écoute, hein, sur le net. Comme Elodie aussi, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. 18h08, ça c'est mon gros coup de cœur. C'est Nicky Yam dans la chambre, ça veut dire c'est Andy Kema. Vous n'êtes pas encore dans la chambre, ça va pas tarder. Dans quelques heures, si vous bossez le demain, de très bonne heure. En tout cas, demain, ça va cailler 3 degrés au lever du jour. Donc couvrez-vous, Nicky Yam, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Cuando despiertas en tu cama, piensas en mí, es mi nombre el que llama. hacía yo? Cuando te vas a salir, yo sé que me sigues pensando, porque aquí te sigo esperando, como te estoy deseando. Dime tú hasta cuándo te sigues engañando. Sé que me estás amando, estoy delirando, mami, no estoy jugando. Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí. Pas encore, mais bientôt, hein. Ah ouais, il y en a qui se lèvent de bonheur, ils vont se coucher de bonheur aussi, hein. Positif, il faut rester positif. C'est ce que dit Eric, qui vient d'arriver dans les studios, Eric Della, qui est le coach Muay Thai, Saint Privé, Saint Mémin, c'est notre invité, il sera là dans 4 minutes en direct sur Radio Ciel. Je vous rappelle ce bel événement qui arrive le 23 novembre. Ça va être du très très lourd, et bien, va nous en parler. Il est parasé, mais c'est pas grave. On l'accepte comme ça, la radio. Voici, Matthew Stone, et c'est positif. Yeah. Let's start like play play. For France, we don't dey throw away. So make una seriously try. For my business, I make we dey try to dey rejoice, yeah. Why? Cause it no easy. It no easy. Even if you no get money, the jolly dey shake body. Cause the way you dey vex, dey complain. If you no be God, way. That's when we be dead body. Nobody be no baby. And when you fall, you go stand up again. You try them again, again and again and again. Cause it's no easy, yeah. For Peter and Paul, I'm a distant, it's no easy, yeah. My brother, my sister, now for Paris we dead. If we could do a bad day, make we the thanks of the year. Baba God, now your hand work, Rester positif dans nos têtes. C'est vrai que dans la vie, il faut rester positif. Et il est positif, c'est notre invité aujourd'hui. On l'accueille. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Bonjour Eric Delain. C'était pas ça. Pas que ça. Et tu m'as dit, c'est pas mon nom en fait, un nom en plusieurs, en deux syllabes. De la barre, c'est ça? Exactement. Voilà. Ouais. Moi je t'appelais Delain, excuse-moi. Tu me pardonnes? Ouais, je te pardonnerai. Sinon, on mettra les gants pour voir. Ouais, je vais te mettre une volée vite fait. Bouge pas, je vais faire le tour tout à l'heure. Ok, je t'attends. Mille excuses. Bon, Eric, ça fait quelques années que tu viens à la radio, toi déjà. Ouais, maintenant, ouais. Ça doit bien faire au moins 3-4 ans. Ah, facile, ouais, 3 ans, hein, t'étais déjà venu. Et puis à chaque fois, justement, on parle du Muay Thai. Muay Thai, c'est comme ça qu'on dit. Muay Thai, ouais. Muay Thai. Alors, comme tous les ans où tu viens à la radio, parler de ce fameux combat, la 15e nuit, là, c'est le samedi 23. On va en revenir avant pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont en voiture, là. Muay Thai, ils connaissent pas forcément. On sait pas forcément ce que c'est. On a un nom un peu bizarre. Muay Thai, ça vient d'où, c'est quoi? Alors Muay Thai, comme son nom l'indique, vient de Thaïlande. Ouais. Le Muay étant les mains, donc en fait plus populairement. Et en Thaïlande, il y a d'autres choses avec des mains, c'est les massages. C'est pas mal aussi. Hein. Ouais. C'est pas le Muay Thai. C'est un peu différent. C'est différent, ouais. Et donc du coup, c'est aussi ça s'appelle également la boxe thaï, mais bon le nom original est Muay Thai. Muay Thai. Donc, alors ouais. Pourquoi on n'a pas gardé la boxe thaï et puis au lieu de créer le Muay Thai, je sais pas. Non, parce qu'à l'origine c'était Muay Thai et en fait on a créé boxe thaï en France. Ah c'est les copieurs alors. Voilà, c'est l'inverse. Donc on est retourné à l'appellation d'origine. Alors on combat comment? La Muay Thai, les pieds, les mains, les bras, le genou, le coup de boule? Non, je sais pas. Non. Le Muay Thai, eh bien, donc on utilise les mains quand ouais. D'autres sports comme la boxe anglaise, hein, des D'accord. grandes boxes bien sûr. Mmh. Les pieds comme dans d'autres disciplines, le kickboxing, le K1, mais également les genoux. Ça fait mal, hein. Voilà, les genoux, les coudes ouais. Et certaines formes de corps à corps où on va projeter l'adversaire. Ouais. Et physiquement, il faut être costaud quand même parce que moi j'ai eu quelques images. Moi j'ai mal au tibia, moi hein, déjà. Rien que d'en parler, j'ai mal au tibia, c'est rigolo. Ouais. Ah, c'est addictif, on va dire. Non, mais effectivement, mentalement et mais après c'est un sport effectivement dur dans la préparation, ouais. Dans physiquement, dans le mental. Ouais. Mais c'est un sport qui développe énormément d'humilité, de partie derrière un combat par exemple, il y a ouais. Une satisfaction énorme où je dirais rien n'est grave après un combat. Comment alors au judo par exemple, au karaté on marque des points ouais. Avec différentes prises etc. Mmh. Au Muay Thai ça se passe comment? C'est un peu le même système, le même principe? Alors dans le comptage du Muay Thai en fait tous les coups portés sont comptés sauf s'ils sont bloqués et si donc un coup qui est bloqué ne compte pas. Voilà, ouais. Un coup qui est bloqué ne compte pas, mais on compte tous les coups portés et frappés. Tous les coups ouais. Portés et frappés, voilà. Donc alors qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire au Muay Thai par exemple, hein? Alors on n'a pas le droit de frapper dans le dos. On n'a pas le droit de frapper derrière la tête. Ouais. Et dans la partie du short, on va dire que ce soit devant ou derrière. Ouais, ça fait mal, voilà. Surtout pour les mecs. Aïe, les filles aussi. D'après ce que j'ai pu comprendre. On met des coquilles quand même dedans. Voilà, pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est obligatoire. Et ouais. Lorsqu'autre chose que les deux pieds touchent le sol, on arrête le combat. Voilà. Ah ouais, carrément. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, si le gars est en train de tomber et qu'il prend un coup de pied ou un coup de poing parce que l'arbitre. C'est interdit. Non, tant qu'il n'a pas mis autre chose que ses deux pieds au sol. Ah ouais, d'accord, ouais, ouais, j'ai pas réalisé. À partir de quel âge on peut pratiquer le Muay Thai? Alors, est-ce qu'il y a un âge défini ou alors non? On va dire, il n'y a pas d'âge minimum. Nous, à Saint-Privé, donc dans le club où on est Saint-Privé Muay Thai, on commence à partir de 7 ans. 7 ans, ouais, c'est jeune, hein? Certains clubs sont à 4, 5, 6. Mais il faut savoir que quand les jeunes ont fait ce qu'on appelle du Muay Thai éducatif, où justement on va privilégier tout l'aspect technique, et donc la frappe est interdite et sanctionnée jusqu'à l'âge de 17 ans. Ah ouais, pas avant. D'accord. Ouais. Voilà. Ouais. C'est normal. Ouais. Ouais. Donc on va beaucoup travailler sur la partie coordination de mouvement, etc., ouais. qui permet de travailler tous les côtés gauche et aussi bien le côté droit, que ce soit les mains ou les pieds. Donc ce qui est vraiment intéressant. On fait un petit peu le tour là, de ce beau sport. Ça coûte cher la licence, l'équipement. Si les auditeurs nous écoutent, par exemple, peut-être qu'ils ont leur enfant, ils veulent peut-être les initier au Muay Thai. Ouais, ça serait bien pour eux. Est-ce que ça revient, par exemple, au foot? Je sais que c'est pas donné quand même le foot, hein, les licences plus l'équipement, c'est... Ça varie, tu me diras, des clubs en club. Voilà, c'est ça. Mais chez vous, ça varie des clubs. Ouais, bah, ouais. Par exemple, pour nous, les enfants, la cotisation annuelle, compris licence dedans, donc assurance, est à 110 euros. Ouais. Jusqu'à l'âge de, je crois que ça doit être 14 ans ou 13 ans. Ouais. Donc c'est pas très élevé. Non, ça va. Au-delà, pour les adultes, par exemple, ça va jusqu'à à peine 200 euros. Et puis un équipement, on va dire basique. Alors, qu'est-ce qu'il faut en équipement? Un équipement, il faut une paire de gants de boxe, ouais. une paire de protège-tibia, ouais. Un protège-dents, ouais. une coquille. Voilà. Donc les équipements, un équipement complet, c'est 70 euros, on va dire en premier prix. Après, il n'y a pas de limite. C'est la base. Ouais. Bon, il y a la base. Il y a une limite d'âge, parce que pour les anciens. Alors, la limite d'âge. Il doit y avoir une limite d'âge, je pense. Pour combattre, oui. Ouais, pour combattre, mais pour compétition. Pour s'amuser, je veux dire. Pour s'amuser, tant que le médecin dit OK, il n'y a pas de limite d'âge. Ah ouais, parce que comme dans toutes les compétitions, tous les sports, il y a une visite médicale, c'est ouais. ça? Obligatoire. Alors, la visite médicale est obligatoire. Maintenant, dans certains sports, elle n'est pas obligatoire tous les ans, mais en compétition, pour le Muay Thai, elle est obligatoire. Ouais. Et à partir de, je crois que ça va être 45 ou 50 ans, il faut faire un électrocardiogramme. Mais, ah ouais, pour voir si le cœur il tient. Mais on a des personnes qui ont, là je pense aujourd'hui, 55 ans. Ah ouais, quand même, ouais. Ça pose pas de problème tient, pour ouais. s'entraîner. Ah, ouais, tu verras, j'ai 50 balais, moi, bientôt. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on peut pas faire de sport et qu'on peut ouais, pas c'est faire ça, il faut pas tout arrêter parce que, voilà, on a 50 balais. Là, hein. Le plus important, c'est d'apprendre à connaître son corps. Exactement, moi je le connais le mien, t'inquiète pas. En tout cas, toi, t'es le coach donc de Muay Thai à Saint-Privé, Saint-Mémin. Ça fait combien d'années? Parce que je vois 20 ans, là, depuis 20 ans ou pas? Eh oui. Ah la vache, c'est toi qui as créé le club. J'ai créé le club avec, ouais. Avec une bande de copains à l'époque. Bande de copains. Voilà. En mobilette, en 103 SP. C'était presque ça, ouais. J'étais un peu plus jeune. Ouais. Et donc je m'entraînais dans un petit club qui était sur Orléans et ce club a dû arrêter et fermer. Et je venais de passer mon diplôme d'entraîneur et j'étais encore compétiteur. Ah ouais. Donc je me suis avec mes 3-4 copains, on s'est dit bah il y a pas le choix quoi, faut qu'on continue. Donc ça a commencé comme ça. Depuis quand? Depuis tout jeune? Parce que quand on est jeune, on a envie de faire du football en général ou du basket souvent, mais souvent le football, faut être honnête. Et pourquoi le Muay Thai, enfin la boxe thaï plutôt en France? C'est quoi les... Personnellement, j'ai fait du football aussi, comme pas mal de ouais, monde, du handball aussi. Ouais, j'ai fait du mais foot, en fait, j'ai commencé très tardivement. J'ai découvert les sports de combat, notamment pas mal quand j'étais à l'armée, quand j'étais militaire. Ah ouais, bah déjà à l'armée, on galérait voilà. avec le sport, on en faisait tout le temps, tous les jours. Et, hein. et du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a initié un peu au Muay Thai, puis j'ai trouvé un club et je suis parti. Trouvé sympa. Voilà. Voilà. Et depuis 20 ans, tu officies à Saint-Privé de Saint-Mémin. Hein. C'est à la salle polyvalente, c'est ça? Salle des fêtes? Non, je sais pas comment ça s'appelle. Non, en fait, dojo, non, comment voilà, c'est dans le dojo, ouais. Céline Lebrun, ouais. pour pas la nommer. Ouais, tu peux la nommer, la Céline. Salut Céline. Voilà. C'est donc, Céline Dion. Dans le dojo Céline Lebrun, depuis bientôt 20 ans qu'on y est, voilà. Bah justement, tu parles de filles. Les filles, elles font du Muay Thai parce que ouais. t'as des filles, toi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, perso, je sais pas. Mais... non, perso, non, j'ai non. pas de filles. T'as des enfants? Non plus. Non plus. Ah bon, d'accord. Mais c'est personnel hein, aujourd'hui. Je vois ça. Ouais. Tu fais ce que tu veux en vrai. Non, les filles font du Muay Thai aussi. Ouais, bien sûr, ouais. parce que en fait, il faut savoir que le sport s'est vraiment popularisé et ouais. démocratisé en fait, parce que énormément de personnes qui pratiquent le Muay Thai ont besoin de se défouler. Ouais, on peut taper sur quelque chose, enfin pas sur quelqu'un, mais sur quelque ouais, chose. C'est se ça, défouler, enfin, c'est important d'évacuer le stress justement. Exactement. Du boulot, de la relation qu'on a avec voilà. avec la famille, tout ça. Des fois, ça fait du bien d'aller faire une heure ou deux de Muay Thai. Peut-être pour c'est ça. Se vider un peu. Donc hein. aujourd'hui, effectivement, on a aussi bien des jeunes qui veulent faire de la compétition, qui ouais. sont dans des quartiers un petit peu plus difficiles, comme des personnes qui sont chefs d'entreprise, qui gèrent 40-50 personnes. Tu m'étonnes, le mec, toute la journée, il a eu 40 salariés qui lui ont cassé la tête, entre guillemets, voilà. et là, il arrive au Muay Thai, voilà, et à mon avis, il doit mettre des mannequins, il doit mettre des prénoms, tu sais, dessus. Tiens, Jean-Claude, ouais, tiens, Hervé, tiens. Ouais, et puis. Ça du peut coup, arriver, ça, déjà, franchement, c'est déjà arrivé ça. Quelqu'un qui te met sur Adam sur un mannequin, allez, dis-le. On fait des initiations, on en fait régulièrement ouais. d'ailleurs. Je pense qu'on en fait une la semaine prochaine, je vais faire un petit peu de pub. Ouais. Chez Kinesphere, qui est un ouais. partenaire qui est pas très loin d'ici. Ouais. Donc Kinesphere, on fait une petite initiation. Et dans ces initiations, donc c'est ouvert à tous, hein, c'est pas besoin de niveau particulier. Ouais, on vient comme ça, on se bastonne. Et à la fin, on prend un sac et en général, j'ai tendance à dire, bah, vous mettez le chef, la photo de votre patron ou quelqu'un que vous aimez ou de pas. L'employé du mois. Et là, tu vois l'usure du bout de bois qu'il n'aime pas, par exemple. Voilà. Non, plus c'est usé, moins on l'aime. Mais c'est ça, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin de se défouler. Autant qu'on se défoule. Non, mais il faut dire une chose, Eric, aujourd'hui, le stress nous envahit. Hein. De plus en plus de Français sont stressés. On a de plus en plus d'AVC. C'est vrai, hein, c'est de pire en pire. Et c'est peut-être une moyen, justement, le Muay Thai, d'évacuer tout ce stress et d'évacuer aussi, d'éviter peut-être des accidents cardiovasculaires. Voilà, je cherchais le nom parce qu'avant j'étais médecin, c'est pour ça. Dans une autre vie. J'ai arrêté, ouais, maintenant je fais de la radio. Dans une autre vie, j'étais gynécologue aussi. Non, bon, ça c'était pas terrible. Non, Muay Thai, alors, ouais. On va. Et donc des filles, comme tu m'as dit, des filles, elles énormément sont là. De filles, donc de femmes même, pas forcément de jeunes filles. Ouais. On a, chez les enfants d'ailleurs, quasiment autant de filles qu'il y a. Et après, chez les adultes, on a aussi bien la maman qui vient se défouler. Elle a 15 gamins, voilà, là, à la baraque, c'est le bordel, ça. Et elle se dit, je vais me défouler aujourd'hui. Ou quelques compétitrices, on en a pas beaucoup, puisque voilà, il y a donc Anaïs que tu. Est-ce que les filles, par rapport à cette image du Muay Thai, elles ne cherchent pas aussi peut-être l'autodéfense par rapport à ce qui se passe aujourd'hui aussi sur la planète, malheureusement, ça arrive, et puis on voit de plus en plus avec les agressions des personnes féminines, en ce moment, l'actualité. Fait la une de tout ça. Est-ce qu'elle ne cherche pas justement de s'auto-défendre, peut-être de céder par rapport à une agression? Je sais pas, hein, c'est une question comme une autre. Je pense, pour en avoir parlé avec plusieurs, et pas que les femmes d'ailleurs. Ouais, il y a des hommes battus aussi, attention. Qui viennent pour apprendre. Tous les soirs, mais une baigne quand je rentre. Hein. Pour apprendre à se défendre, mais comme je dis souvent, en fait, si on n'aime pas la discipline, on n'arrivera pas à rester. Donc au départ, oui, certains viennent par rapport à ça, pour apprendre à se rassurer, parce qu'en fait, c'est pas forcément apprendre à se défendre, c'est aussi apprendre à gérer une situation de conflit. En cas de conflit, c'est ça. C'est parce qu'une femme qui fait, ou même un homme qui fait 40 kilos face à quelqu'un qui en fait 90. C'est pas pareil. On change de sport, mais tu prends Bruce Lee, il faisait 40 kilos. On s'appelle pas tous Bruce Lee. Ah, ça, c'est clair. Et après un an ou deux de Muay Thai, c'est pas parce que je fais deux ans de Muay Thai que. C'est clair, on va allonger tout le monde. Que je suis un bon pratiquant. Après, on s'en sert pas n'importe comment pour se défendre. C'est vraiment d'ultime urgence. Hein, c'est ça, en fait. Moi, si je prends un petit peu le cas général et puis le mien, en fait, ça permet d'essayer de gérer des situations un petit peu où tu te dis qu'en fait, c'est pas grave, ça vaut pas la peine. C'est vrai. Et puis, de se positionner par rapport à l'agression et c'est par rapport à l'adversaire. Voilà, c'est ça. Voilà. On a fait le tour de la question un peu sur le Muay Thai en règle générale pour les auditeurs qui ne connaissaient pas justement ce sport et qui sont peut-être intéressés. Hein, si vous voulez inscrire vos enfants, direction Saint-Privé, c'est ça, Saint-Privé Saint-Mémin. Ouais, on est malheureusement complet pour la saison complète. Donc l'année prochaine alors. On refuse en ferron. Ah ouais, c'est pire en pire. Alors, au début, ça vous a galéré un petit peu peut-être. Il n'y avait pas trop d'adhérents aussi, non? Quand on a commencé, on était 10. Ouais, et puis maintenant, vous êtes combien? 183, exactement. Ah ouais, ça fait du monde, hein, 183 personnes. Et on a refusé depuis le mois de septembre une centaine de personnes. Ah ouais, donc ça prend de l'ampleur, on va dire. Enfin, ouvrir un deuxième club peut-être, je sais pas. Ouais, pas moi, mais certains de mes élèves ou d'autres. Pourquoi pas. On va parler justement de cette 15e nuit du Muay Thai. C'est le 23 novembre à 19h30 et c'est à Saint-Privé, Saint-Mémin, la salle gymnase, pardon, Belle Arche. Ouais, c'est le gymnase principal de Saint-Privé, ça. Ouais, c'est sympatoche. Tout est à côté. Hein. Alors 20 ans, ça passe. Hein. Ouais, ça va vite. Mais c'était le Portugal, je crois, on l'a invité avant. L'année dernière, c'était le Portugal, d'avant, c'était l'Espagne. Ouais. En fait, par ordre chronologique, Portugal, Espagne, on descend. Ouais. L'Afrique après. Et l'année d'avant, l'Espagne, c'était La Réunion, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me souviens. Voilà. Alors, l'année dernière avec le Portugal, ça s'est bien passé. Ouais. Très bien, ouais. On a ramené, je sais plus combien, 4 Portugais. 4 Portugais qui sont venus ici. C'était une belle compétition, tu m'as dit. C'était une belle compétition, avec des belles oppositions. Voilà. Pas facile pour nous. Ouais, pas facile. Je sais même pas que les Portugais faisaient du Muay Thai, tu vois. Moi, je crois qu'ils faisaient des murs en maçon, mais c'est. Je rigole, on les salue, justement, salut la famille. C'est des lanceurs de parpaings. Est-ce qu'ils vous ont balancé des parpaings, avec des gauches-droites. Ah, c'est le cliché, hein. C'est le cliché, comme tout pays, un cliché. Et cette année, c'est la pizza, c'est l'Italie, voilà. Sala Pecchetti Amore, ils seront là, hein, les Italiens. Alors, tu les sens comment, les Italiens, toi? Est-ce que ce sont les spécialistes du Muay Thai ou moyen ou... il faut pas les sous-estimer. Non, on sous-estime personne. Juste par rapport à des sports, par exemple, on sait que dans le sport automobile, t'as tel pays qui sont champions. Dans le sport, je sais pas, la pétanque, t'as tel pays. Le vélo, t'as tel pays. Toi, il y a toujours un petit pays qui est un peu favori, on va dire. Là, l'Italie, ça donne quoi alors du côté du Muay Thai? Bah, l'Italie, c'est pas mal développé depuis pas mal plusieurs années maintenant. Et comme beaucoup d'endroits, ils vont en Thaïlande régulièrement se préparer et s'entraîner. Et bon, maintenant avec la communication, on va dire, ils tournent de plus en plus et donc ils ont quelques belles équipes. Et là, on fait venir des trois boxeurs de Rome. À Rome. Voilà. Un beau pays. Belleville, pardon. Donc Belleville, je connais pas, mais j'aimerais bien qu'ils nous invitent derrière. Qui vous invite, ça serait cool. Qui vous invite, toi, juste derrière, ce serait sympa, ouais. Et donc on a choisi trois boxeurs pour nos boxeurs privatins, pour nos boxeurs à nous là du club, pour les 20 ans. Donc on les attend, on va voir. Alors il y aura 4 combats pro, hein, et 5 combats amateurs sans protection. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi sans protection? C'est-à-dire que chaque année avant, pour privilégier nos privatins, etc., on mettait des protèges tibias et des casques pour nos amateurs. Ça dépend de l'évolution. On a eu des époques il y a quelques années en arrière où on a eu des pros à Saint-Privé. Là, j'en avais pas depuis un certain nombre d'années. Ouais. Et donc là, les trois qui sont sur l'affiche, Valentin, Anaïs et Alexandre. Ça, c'est des boxeurs. Voilà, ce sont les trois boxeurs du club qui ont commencé les combats sans protection. Alors l'année dernière pour Anaïs et cette année pour Valentin et Alexandre. Donc ils commencent à monter de niveau. Et donc on va les mettre en avant. Et comme c'est les 20 ans, on a décidé de bien faire les choses et on mettra que des combats sans protection pour faire une belle soirée. Il n'y aura pas de risque, non? Non. Comme c'est des amateurs, entre guillemets. C'est des amateurs confirmés. Un combat placé, bien sûr. Ils ont une patate de combat. Un combat placé, tac, dans les gros roubignoles. Bah, attends, ça peut faire mal. Hein, C'est ça, ça fait partie du sport. En tout cas, ils sont préparés, ils sont entraînés pour, et on va voir ça. Donc, c'est le 23 novembre, c'est dans 11 jours, à peu près. Moi, si je calcule bien, j'étais nul en maths, mais là, j'arrive, là, je regardais l'heure, pas l'heure, mais la date sur l'ordinateur. On est le 12, donc dans 11 jours. Comment on prépare cette compétition, alors, avec tous tes gars, tes filles, moralement, physiquement? Il y a un entraînement spécifique pour eux, à part ceux qui ne vont pas combattre? Bon, donc effectivement, il y a de l'entraînement quotidien. Est-ce que tu leur fais manger des pizzas comme c'est l'Italie? Non, je leur fais manger que les pâtes. Tu m'étonnes. Là, il y a le régime, là. Ouais, ils sont un petit peu, en période de diète, préparation, donc. Faire attention à la nourriture. Pas de pizza, ça interdit tout ce qui est produit italien, ça interdit la mozzarella, tout ça. Ouais, c'est ça, l'huile d'olive. L'huile d'olive, ouais. Non, et puis, éviter tout ce qui est sucre, principalement, les sucres, bien. Les sodas, etc. Donc, effectivement, pour les jeunes, c'est toujours un petit peu. Ah, c'est compliqué, les jeunes, parce qu'on vit que par ça maintenant. Mais effectivement, faut qu'ils soient au poids, parce qu'il y a des catégories de poids à respecter. Ouais. Donc, il faut qu'ils soient prêts, qu'ils soient au poids, qu'ils soient prêts mentalement, physiquement. Donc c'est un entraînement quotidien et puis on a étudié un petit peu les adversaires pour essayer de mettre un petit peu de stratégie en place. Ça se passe comment justement étudier l'adversaire? Il y a des vidéos qui existent sur YouTube ou ailleurs pour regarder un peu comment que ça se passe? Est-ce qu'on comme un entraîneur de football quand tu regardes une autre équipe, c'est un peu pareil? On analyse. On mène l'enquête, on essaye de trouver des informations, on en trouve pas. Parfois des informations aussi qui sont un petit peu qui sont pas forcément vraies, donc on essaye de trouver tout ça. Il y a des fausses vidéos pour vous enduire d'erreurs aussi, c'est possible ça? Nous par exemple on met très peu de vidéos, il n'y a pas beaucoup de vidéos. C'est important, justement c'est une technique ça de pas mettre de vidéos. Pour l'instant ils sont pas très connus, donc comme ça permet de garder un peu de surprise, ou d'essayer de garder de la surprise du moins. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui avec internet tout tourne tellement vite. Oh là, ça va tellement vite, mais on parle pas. Donc on essaye de. Là on s'est préparé un petit peu pour les trois Italiens pour voir un petit peu comment ils sont. On a mis des choses en place, certaines tactiques, et on va voir si ça fonctionne. Vous jouez à domicile quand même. Vous combattez à domicile, pardon. C'est important de combattre à domicile quand même. Bien sûr, mais c'est une pression supplémentaire pour les boxeurs. D'accord. Parce que combattre à domicile, derrière il y a la famille, il y a les amis. Si on vous perdez, ça fout les boules quand même. Faut être honnête. C'est de la pression supplémentaire en fait. La plupart, je vois, par exemple, Anaïs déteste ça, mais ça fait partie du jeu. Valentin, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. C'est des choses sur lesquelles ils sont pas très à l'aise parce que, Bah parce que voilà, on est à domicile, c'est plus sympa quand on est à l'autre bout et que personne nous connaît. C'est vrai, voilà. Que le stress, il doit arriver le jour J, quand t'es à quelques minutes du combat. Est-ce que le stress, il est vraiment là, ça doit commencer dans les vestiaires, ou je sais pas comment, c'est les loges, les vestiaires, non, certainement. Est-ce qu'ils ont des questions à te poser, te dire, Eric, est-ce que je dois faire comme ça, t'es sûr, Eric? C'est des questions, une question stress, qui revient. Le stress, pour moi, il commence 15 jours avant. Déjà, ouais, 15 jours avant. Parce que tu te demandes ce que tu fous là pour parler clairement, quoi. Ouais, c'est ça. Tu te dis, mais est-ce que je suis taré, pourquoi je fais ça, etc. Et puis en fait, c'est un tas de sensations. Émotionnellement, c'est très très fort. On a besoin de ça aujourd'hui. Et puis effectivement, la préparation dans le vestiaire, elle passe par des hauts et des bas. Et ça m'est déjà arrivé au moment de monter sur le ring où certains boxeurs me disent est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tout ça? Donc voilà. Et là, tu les motives quand même. Il faut arriver à trouver les bons mots. Voilà. Et je crois que la plus belle chose, c'est si elle la gagne. Je sais pas si ça se dit comme ça, la gagne. À la fin, là, ça doit exploser là. Hein, les combattants, ils explosent de joie, de bonheur. Gagner est important, bien sûr. Mais pour moi, je dirais ce qui est le plus important de tout, c'est de donner le meilleur de soi, de se faire plaisir aussi. Alors ça paraît paradoxal, beaucoup de gens comprennent pas comment on peut se faire plaisir en se frappant sur un ring. Si, comment on se fait plaisir en tapant dans un ballon, c'est pareil. Faire plaisir, cette sensation d'avoir tout lâché, de donner le meilleur. Et je dirais certains combats perdus, difficiles, très durs, avec beaucoup d'opposition, valent certaines mauvaises victoires, quoi. Justement, je parlais de victoire, mais en cas de défaite, toi, ton rôle, c'est aussi de les soutenir. T'es pas là en train de les engueuler, non? Le combat, les remotiver, parce que là après j'espère pas, hein, pour vous, loin de là, mais une défaite, malheureusement, là ça chute un peu. Toi t'es là pour c'est des remises en question, en fait. Moi, un combat, ça s'arrête pas juste quand le gong a sonné à la fin du dernier round. Après, on étudie les choses. Ça reste aussi le lendemain. Bien sûr. Comment il se sent émotionnellement, physiquement, est-ce qu'il a mal, pas mal, etc. Et puis après, c'est de la remise en question. Est-ce que l'autre était trop fort? Est-ce que j'avais pas le niveau? Est-ce que j'ai manqué de ci? Est-ce que j'ai manqué d'écoute? Est-ce qu'on n'a pas bien préparé? Et celui qui se remet en question, c'est pas que le boxeur, c'est aussi l'entraîneur. C'est-à-dire que si l'entraîneur il a pas réussi, si ses boxeurs ont pas réussi à faire ce qui était prévu, c'est que peut-être que dans la préparation, il a manqué des choses aussi. Manqué des choses, voilà. Donc, à étudier, après à revoir, pour l'année d'après ou sur la suite. Et donc on vous rappelle cette date. D'ailleurs, je vais mettre les places à gagner là sur le Facebook. Je vais faire un petit jeu tout à l'heure sur Facebook. Suivez-moi, je vous filerai des places pour cette 15e nuit. 15e. Alors ça fait 20 ans, mais c'est que la 15e nuit. Donc il en manque 5. Ouais, parce que au début, tu ne voulais pas le faire. J'ai pas commencé par organiser. Ouais, bien sûr. On a déjà commencé à créer la structure. Mais déjà 15, c'est bien. Hein. Ouais, c'est pas mal. La date, donc, c'est samedi 23 novembre à Saint-Privé-Saint-Mémin. On peut encore acheter des billets sur le net ou à la salle? Comment ça se passe? Les préventes aujourd'hui sont J'ai vu qu'il y avait des t-shirts aussi, je sais pas quoi. Il y a une magouille là. J'ai vu quelque chose passer, moi. Il y a la promo qui est passée. Donc, on va parler billetterie. En fait, la billetterie, les billets sont en prévente à 12 € et à 15 € le jour J. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place, c'est pour l'instant, on va dire. Après, c'est quand c'est plein. Voilà. En tout cas, pour acheter les préventes, donc il y a deux, trois canaux différents. C'est-à-dire que soit vous me contactez directement parce que sur Facebook ou par mail ou par téléphone sur ce qui est noté sur l'affiche. Voilà. Et on peut prendre rendez-vous soit à la salle d'entraînement, soit convenir d'un rendez-vous sur Orléans. Soit on a un de nos partenaires Kinesphère qui est rue André Dessault. Qui vous file les places, il y a des places à vendre. Et qui fait de la prévente également si ça vous intéresse. Donc, Et moi, je vais faire un petit jeu tout à l'heure sur le Facebook, et puis comme ça, vous pourrez gagner 4 places. C'est bien, ça aussi. C'est cool. Grâce à Radio Arc-en-Ciel. Et puis, on a fait des t-shirts. Donc, une série spéciale t-shirt limitée, avec les 20 ans pour mettre en valeur, qui seront en vente également. Le jour même. Voilà. Ah, je viendrai. De toute façon, moi, je vais venir. Alors, tous les ans, attention, je le cache pas, je dis la vérité. À chaque fois, je dis que je viens, je peux pas, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire. Mais là, je m'engage solennellement à venir avec, Antoine, il va m'accompagner. Et on viendra, promis, là je te le promets. Là. Écoute, ça sera un plaisir de te voir. Ouais, je vais monter sur le sol, je vais mettre 2-3 en bas. Non, je rigole, je n'oserais pas, au contraire, je respecte tellement ce sport plutôt aussi. Donc on rappelle cette belle date si vous êtes intéressé, le 23 novembre, la 15e nuit du Muay Thai, c'est à Saint-Privé, Saint-Mémin, c'est à la Belle Arche, donc c'est le gymnase. C'est ça. Tout sera bien organisé, tout sera carré. Ouais, et on vous attend nombreux et nombreuses pour venir supporter les trois jeunes talents. Je sais pas comment on peut ouais, dire ça. Ils sont jeunes. Ils sont des jeunes talents qui boxent bien. Et puis il y aura d'autres aussi boxeurs puis de ça la ça fait bouger un peu la ville, la région. Voilà, il y aura un boxeur pro de Saint-Jean-de-Brec, il faut pas oublier Antoine Dano, Dano qui est de la Smokebox de Saint-Jean-de-Brec. Ah ouais, salut, on salue Emery, justement, l'entraîneur. Justement. Salut Emery, comment la famille, réunionnais d'ailleurs. Et puis un autre boxeur qui sera du club de Vitriologe aussi, qui sera en amateur. C'est bien de donner un peu de puissance à ces petites villes, et puis ces petits boxeurs, entre guillemets, quand je dis petit, attention, hein, c'est une façon de parler. On m'a dit qu'il y avait Rocky aussi qui venait apparemment quatrième. Eric, un dernier mot à rajouter peut-être avant de se quitter, après ce 25 minutes d'interview quasiment. C'est bien. Ouais, c'est très bien. Et puis venez nombreux, comme chaque année, c'est ok, c'est du sport. Mais on a aussi une belle soirée spectacle, puisqu'on aura on a un speaker qui est Tarek Ben Mansour qui vient de Paris, qui est assez connu sur les plateaux télévisés. On aura donc des jeux de lumière avec etc. Et un vrai show live à l'américaine un peu. Et on aura les warm-up, donc deux filles qui viendront danser. Voilà, un peu plus que des pop-up. Je pourrais faire un saut moi sur le ring ou pas. Voilà. Donc on les attend aussi et on va essayer de. C'est une soirée spectacle et pas que Muay Thai en fait. Voilà, c'est pas que ça. C'est un spectacle. C'est familial aussi. On peut venir avec tous les enfants, la famille et exactement. Tout. Hein. Voilà. Eric, merci, 15e nuit. Ça fait à chaque fois que tu viens à la radio en parler, puis j'apprécie quoi. Et puis tout à l'heure, je vais créer un petit jeu là sur Facebook. Attention, connectez-vous, je ferai gagner 4 places sur le Facebook. Connectez-vous, ça va être du très très lourd. Voilà mon Eric. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, t'es la famille, tu quand tu veux. Au plaisir, je reviendrai bientôt. Salut. Et puis ratez pas donc cette date, on vous rappelle, la nuit du Muay Thai, c'est la 15e à Saint-Privé Saint-Mémin, c'est le 23 novembre à 19h30 au gymnase Belle Arche. N'hésitez pas à aller faire un tour sur place, à contacter Eric Della, sur son Facebook ou Muay Thai Saint-Privé Saint-Mémin. Envoyez un petit message, dites moi je veux des places, moi je veux ci, moi je veux ça, n'hésitez pas. Ok Eric. Merci beaucoup. Salut la famille. À bientôt. À bientôt. C'est la vie, c'est comme ça. Bah oui, y'a que vous qui le passe celui-là. Et heureusement encore, c'est la famille, ça, le collectif métissé qui était à l'Olympia le 31 octobre, plein à craquer. Et une superbe soirée, Loque Paso, ça arrive avec Daddy Yankee. Et puis tout à l'heure, je vous ferai le petit jeu là sur Facebook. Vous pourrez gagner vos places pour le Muay Thai. C'est le 23 novembre à Saint-Privé, Saint-Mémin. Ça va être du très très lourd. 4 places à gagner en VIP. Et vous aurez droit peut-être au t-shirt, ça se trouve. Eh ouais. Ok, passo, passo, bonne fin d'après-midi. Bah ouais, ça y est, c'est le début de soirée même, hein, 18h46 en direct sur l'arc-en-ciel, avec des petits cadeaux qui vont arriver là sur mon Facebook. Vous allez pouvoir gagner vos places pour le Muay Thai. Eh ouais, un arc-en-ciel. L'After voilà. Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, puis côté météo, demain matin, attention, couvrez-vous, hein, si vous allez bosser de bonne heure, 3 petits degrés au lever du jour, on dépassera pas les 9 degrés. Mon gros coup de cœur, il s'appelle Dadju. C'est son nouveau hit avec Ma Vie qui arrive, et ça, on adore. Son nouvel album s'appelle Poison. Voici le premier extrait qui sonne très 60. C'est tout nouveau, c'est déjà sur l'arc-en-ciel. C'est Dadju avec Ma Vie en exclu, et c'est sur l'arc-en-ciel. Bon début de soirée, 18h48 en direct. T'as détruit ma vie, détruit ma vie, ma vie. Est-ce que t'y penses? Qu'est-ce que ça te fait de m'avoir pris jusqu'au dernier morceau du cœur que t'as détruit? Triste vie, je me suis fait des films, j'ai tapé dans le mille, mais j'ai préféré me dire que c'était qu'un film. Je peux plus dormir quand je t'imagine avec ce fils de tout nu dans mon lit. J'essaie d'être le plus calme et serein possible, mais j'ai qu'une envie, c'est d'éclater vos têtes sur la vie. T'as détruit ma vie, ma vie. T'as détruit ma vie, ma vie. T'as détruit ma vie,

un peu de tendresse dans ce monde de brut. Ça fait du bien avec de la Kizomba Hall Homie. Là, on va changer de style, hein. Dans quelques minutes, il arrive. C'est le son Electric Shock, Christophe. Et je peux vous dire, ça va sonner très très fort. Ouais, histoire de vous réveiller avec des bons albums, des nouveautés, sûrement, je pense, comme d'hab. Hein, ouais. Et puis là, le son 96, histoire de vous rappeler un petit peu cette belle époque avec Denny Hines. It's alright, it's okay. À 18h54 minutes. To take it slow, count 1, 2, 3 and here we go. I can tell how you feel, I know what you like. Can't mess with the groove or trip the vibe. Don't you be afraid, baby, don't be shy, 'cause I see what you want. Is the game what I want and you want are the same. Don't have to pretend that this is real love. Just do as I say and that's enough. Don't you be afraid, baby, don't be shy, 'cause I see what you want. Quel bon souvenir, ça. On a dansé là-dessus sous la boule à facettes. Ouais, Denny Hines, It's Alright. Ça va sonner rock dans moins d'une minute. Ouais, Electric Shock, il est là. Hein, et il est prêt dans les starting blocks. On vous souhaite une bonne fin d'après, parce que ça y est, c'est le début de soirée. Là, vous allez peut-être passer à table pour les plus anciens. Et puis ça y est, ça sonne rock, ça sonne fort. Voici Electric Shock en direct sur l'arc-en-ciel. Ciao, la famille. Christophe qui arrive dans les studios. Rock and roll!